vis plus la voyance comme avant. Autrement dit, tu ne vois plus la voyance comme étant une faculté ou un pouvoir. Ça, c'est une seconde nature, la voyance. Parce que tu n'as plus de réflexion égoïque. Éventuellement, l'ego devient suffisamment transparent pour ne pas faire de fla-fla avec rien. Donc, que l'homme soit voyant, c'est normal. Que l'être humain soit voyant, c'est normal. Mais quand on est inconscient, c'est pas normal d'être voyant. Puis automatiquement, quand on l'est, c'est comme si on est obligé en tant qu'ego de se... Il y a comme un orgueil spirituel là-dedans. Puis vous pourrez pas... L'homme peut pas entrer dans une conscience mentale avec de l'orgueil spirituel. Puis le problème avec des gens qui ont de la voyance, puis les ci, puis des ça, c'est que ce sont des êtres, ce sont des gens qui vivent, qui ont d'ailleurs des entités astrales spirituelles, souvent de haut niveau, et qui se font vampiriser, puis manipuler, puis manger par eux autres. Fait que l'homme soit voyant, parce que ça fait partie de toute sa conscience, c'est une chose. Mais que l'homme soit voyant, puis que ça devienne une job dans la vie, c'est un autre. Fait que quand t'es conscient, pas au niveau de la fusion, la voyance, c'est aussi normal que c'est une seconde nature. Mais tu peux pas mettre d'importance dedans. T'en mets pas d'importance dedans. Puis tu l'utilises, par contre, cette voyance-là, toujours en fonction de l'être et non pas en fonction de toi-même. Moi, quand j'entends des voyants, là, qui disent à des gens, là, bon, ben, dans trois mois, tu vas mourir d'un accident. C'est très grave. Tu peux pas parler. Qu'est-ce que vous prenez? C'est de la condescendance. Pour qui est-ce que vous prenez? Quel homme a le droit de dire à un homme, dans trois mois, là, tu vas avoir un accident, ou dans six mois, là, vous allez vous divorcer, toi et ta femme. Vous jouez le rôle de l'astral. Vous influencez des gens. Fait que, il y aurait certainement des écrits, parce que l'ésotérisme, il va falloir un jour que ça soit tout remis en question, puis il y a des choses concernant la voyance, puis toutes ces choses-là, puis les guérisons, puis tout ça. Il va falloir que ce soit mis en perspective, parce que il y a beaucoup de gens qui se font astraliser par ça. Puis à part de ça, c'est une recherche de pouvoir. Donc, si vous faites de la voyance, puis ça fait partie d'une certaine conscience de pouvoir, c'est encore astralisé. La conscience intégrale, c'est tout ça, c'est voyant, c'est normal. Mais il n'y a pas de recherche de pouvoir au niveau de l'ego, il n'y a pas d'égocentricité là-dedans. Oui. Que ça vient de l'astral ou du double, vous ne le saurez pas. Oui, anyway, vous ne pourrez pas le voir. Hein. La seule façon pour vous autres de le savoir, c'est que vous n'avez pas à croire. Quand vous vivez de la communication intérieure, vous ne devez pas croire. Tu ne peux pas croire ton entité astrale, ton guide spirituel, puis tu ne peux pas croire ton double. Anyway, lui, c'est encore pire, parce que lui, le double, il va t'amener à ne pas le croire. Croire, ça ne fait pas partie de la structure mentale de l'homme. Croire, ça ne fait pas partie de la structure mentale de l'homme. Ça fait partie de la structure mentale de l'homme involutif, racial. Ça ne fait pas partie de la structure mentale de l'homme conscient. Sans ça, si cosmiquement parlant, la croyance faisait partie de la structure mentale de l'homme, il y aurait automatiquement dans l'univers, dans les univers parallèles, des abus de pouvoir écœurants. La croyance a créé des abus de pouvoir sur la planète Terre. Imagine-toi ce que la croyance pourra faire par rapport à l'homme et des mondes parallèles, si elle existait puis qu'elle faisait partie des structures mentales de l'homme. Fait que vous ayez contact, que vous soyez en contact avec votre double ou votre guide spirituel, ça c'est une chose, mais vous n'avez pas à le croire, anyway. Puis il va falloir que vous compreniez ça un jour. Puis si c'est au niveau de votre double, il va vous amener à ne pas croire. Parce que ça fait partie des lois du mental universel, de ne pas croire. Puisque la croyance ne fait pas partie des structures mentales de l'homme, cosmiquement parlant. Parce que quand tu es rendu à certains niveaux d'expérience puis de conscience, puis que tu viens en contact avec les mondes parallèles, puis tu rencontres des gens ou des entités qui viennent de mondes parallèles, tu peux plus te permettre de croire. C'est ton statut vibratoire qui va déterminer la prépondérance de ta science. Sans ça, tu es fait à l'os. Le rapport, Bernard, entre le côté humaniste... Vous ne le comprenez pas, ça, encore. Mais un jour, vous allez le comprendre. Oui. Le côté humaniste de l'individu et sa croyance, y a-t-il un rapport entre le fait qu'il est humain et le fait qu'il croit par esprit de solidarité? C'est parce que la croyance, ça fait partie de la naïveté de l'homme. Un va avec l'autre. Puis... Quand tu crois quelqu'un, ou tu crois quelque chose, que tu crois quelqu'un, ça te libère dans un sens du gros, du grand fardeau de la solitude. Tu sais? Il y a donc un niveau de croyance qui est fondé sur le besoin d'être rapproché à d'autres. Là. C'est le caractère fragile de l'être le rend humain, donc le rend plus proche des autres. Puis la croyance, c'est comme la crise igloo de ça. Ouais. Mais ça y enlève. Il y a un prix à payer pour ça, puis c'est son identité. Donc, identité et solitude, il y a un parallèle. C'est-à-dire que identité et solitude, c'est pareil. Quand tu es conscient, tu es dans ton identité, tu es seul. Moi, je vis ma conscience seule, même si j'ai bien des chums dans le monde. Je vis ma conscience seule par rapport à ma conscience, par rapport à ma fusion, puis c'est seul. Puis un jour, la conscience de l'homme, elle sera vécue seule. Tu peux pas vivre ta conscience par rapport à des égrégores de croyances. Puis au niveau de la fusion, c'est tout détruit, ça. Ça sera tout détruit, ça. Mais au niveau du contact astral, au niveau de la conscience spirituelle, c'est maintenu en pleine force, ta croyance. Mais aussitôt que l'homme va commencer à rentrer dans son identité, il va perdre la croyance. Parce que tu n'as plus besoin de croire. C'est un besoin psychologique, croire. Quand tu es conscient, tu n'as plus besoin de croire. Si tu as besoin de savoir quelque chose, tu le sais anyway. Fait que, pourquoi est-ce que la croyance existe sur la Terre? C'est parce que l'homme n'a pas accès à sa source. Il n'a pas accès à savoir. Il n'y a pas accès au savoir, il y a simplement accès à des connaissances, qui sont toujours les connaissances des autres, anyway. Un être qui sait, est-ce qu'il a besoin des autres? Un être qui sait? S'il a besoin des autres. Il a besoin des autres pour échanger avec eux, mais il n'a pas besoin des autres pour être nourri. Bon, comment ça se passe l'échange à ce moment-là? Ben, elle se passe entre lui et son double. Moi, si je suis seul chez nous, puis il n'y a personne chez nous, ben, je m'ennuie pas. J'ai mon chum. Mais l'échange avec... Mais je le crois pas. Mais l'échange avec les autres, à ce moment-là, elle repose sur quoi? L'échange avec les autres te permet de voir ce que les autres savent. Si je parle avec toi, mais ça me permet de savoir ce que tu sais. Fait que c'est strictement au niveau du constat. C'est simplement au niveau de l'échange. Ça construit-tu quelque chose? Ben, c'est le fun. Point. C'est le fun de parler avec quelqu'un que tu sais qui est intelligent. Mais est-ce que ça permet de passer à une forme quelconque d'action? Mais c'est parce que ça nourrit les deux systèmes. Ça nourrit les deux systèmes. Les deux systèmes se nourrissent mutuellement, mais un ne croit pas l'autre. Parce que tu n'es plus dans la croyance dans ce temps-là. Tu vis simplement du plaisir vibratoire de deux esprits qui se communiquent. Mais quand on parle de plaisir, on a l'impression que c'est strictement pour passer le temps. Ça a pas de. Oh, c'est ben, pas, ça semble pas conséquentiel. Ça fait partie de passer à travers le temps planétaire pour entrer dans un dans un temps universel où, à ce moment-là, l'homme pourra travailler avec toutes ses grandes facultés universelles. Donc, le temps planétaire, c'est pour passer le temps. Ah, ben oui, définitivement. Tu confies sa planète, sa forme. Oui. Ah, ben oui. Ah, ben oui, c'est évident. Alors, moi, quand j'écris des livres, c'est pour passer le temps. C'est évident. Quand je parle, c'est pour passer le temps. Puis ça aide à d'autres de passer le temps d'une façon un petit peu plus intelligente. C'est évident. Sans ça, tu tombes dans la vérité. Ouais. Ah, si je t'appognais dans la vérité, là, je parlerais pas pour passer le temps. Là, je parlerais pour peut-être changer l'humanité. Je parlerais à genre une mission. Là, je serais un vrai con. Ça veut dire que toutes les souffrances qu'on vit, toutes les expériences qu'on vit, c'est pour passer le temps. Ah, ben, c'est évident. C'est évident. Mais comment c'est ça que les gens prennent ça super au sérieux? Parce que personne ne leur a dit. Quand personne ne te dit rien, qu'est-ce que tu veux? Tu restes, tu prends tout ce qui a été dit avant. Mais c'est très, très conséquentiel, le phénomène de passer le temps. J'imagine un gars qui vient d'avoir un accident, qui est pris dans la neige, il attend CAA, il passe le temps. Bon, mais s'il panique pas, puis s'il y a de l'ordre dans sa vie, puis il y a des bonnes bottines, puis des bonnes mitaines, ben, il fume sa petite cigarette, puis CAA s'en vient, puis il continue. Il a bien passé le temps. Mais s'il vient tout friqué, ben là, il vient fâché. Là, ça va coûter 30 pièces de transport. Là, il va fâcher encore. Vivre, c'est passer le temps comme il faut. C'est ça, vivre sa planète Terre. Parce que vivre sa planète Terre, c'est la première étape de vie. C'est la moins importante de toutes. C'est l'autre, c'est l'intérêt qui est plus important. Mais qu'est-ce qui fait que les gens donnent tant d'importance à leur vie planétaire? Parce que les gens ont été plongés dans un corps matériel malgré eux autres. Alors que celui qui passe le temps consciemment... T'es né au Canada, ou t'es né en Russie, ou t'es né en Argentine, t'es né belle ou t'es né pas belle, t'es pas de croche ou t'es pas de drouette, t'as un gros ventre ou t'es un petit ventre, t'es un intellectuel ou tu l'es pas, tu as tout un karma, là. T'es né dans des parents intelligents ou t'es né dans des parents crasses. T'sais? On est tous nés dans des conditions particulières qui font partie de notre karma. Fait que, montre pas pourquoi est-ce qu'on est de même. On commence à voir qu'on passe du temps. Il faut le passer comme du monde, le temps. Puis si t'es capable de le passer comme du monde, le temps, ça crée les conditions pour qu'au lieu de sortir de ton corps physique éventuellement, puis aller dans l'astral, tu t'en vas dans l'éthérique. Là, tu vis. Fait qu'on peut rien demander au corps ou à l'espèce sensorielle de la vie comme étant en soi une valeur. Ah, ça a la valeur sensorielle. Quand ouais. Tu fais l'amour avec ta femme, t'es bien. Ça dure 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est intense. Ça se discute pas, c'est le fun. C'est-tu réel? Ou c'est vibratoire. Puis c'est réel si tu mets pas de vérité dedans. Autrement dit, si tu dis pas à ta femme, t'es-tu rendu heureuse ce soir? J'ai-tu bien fait ça? Fait que si t'es pas réel, puis t'as toutes tes conditions psychologiques, t'es tout énervé là, dans ta sexualité parce que t'as pas compris ça, cette affaire-là encore, pis tu dis, ben, j'ai-tu bien fait ça en soir, puis elle te dit, oh, tu vois pas la marde, là t'es faite. Elle vient de te mettre la batterie en tête. Puis les femmes, ils ont une façon de mettre la batterie en tête. Là t'es réel. Fait que ta sexualité est pas réelle. Mais l'évolution de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, matérialiste, il y a beaucoup de gens qui investissent énormément d'énergie dans la recherche, ces choses-là. C'est encore passé le temps? Ça fait partie de... Ben oui, évidemment. Tout c'est passé le temps. Les guerres, c'est passé le temps. C'était tout passé le temps. Les guerres, c'est passé le temps? Ben oui, c'est passé le temps. C'est spécial. C'est spécial? Oui, c'est spécial. C'est spécial. Spice, tu sais, épice, là. Spécial. Penses-tu que la façon qu'on vit dans le monde, sur la planète Terre, c'est normal? Penses-tu que c'est normal qu'on soit obligé d'aller travailler le matin pour des corporations qui nous enlèvent notre sang pendant 30, 25, 30, 45 ans? Puis quand on est rendu à notre top, là, qu'on a beaucoup d'expérience, qui nous crée sa porte et qui rentre des jeunes, puis ils nous mettent pas d'assurance chômage, comment est-ce qu'ils appellent ça, là? bien-être social, whatever. Passion de vieillesse. Penses-tu que c'est normal qu'on soit malade, qu'on s'en va dans un hôpital, puis ils nous mettent dans un petit corridor, là, puis c'est plein de monde malade là-dedans, tu regardes là-dedans, c'est l'antichambre de la mort. Tout ce qu'on vit, là, tout. C'est normal, tu marches à la rue, quelqu'un est allé, puis il te dit, donne-moi ton argent, sans ça, je te tire. Il y a des choses dans notre civilisation qui sont hautes en vibration. Les arts, les architectures, les grandes choses que l'homme a faites. Mais c'est pas ces choses-là qui sont le problème, c'est dans leur utilisation. Fait quand t'as des rois comme Louis XIV qui se bâtissent des châteaux avec 1400 chambres, t'appelles ça normal? Moi, j'en ai 7 chez nous, puis j'ai de la misère. Je me perds. L'autre, il y en a 1400. Puis il y a du monde qui crevait dans la rue. C'est pour ça qu'ils ont fait de la révolution. Ouais. Ça fait que ça fait partie de l'évolution des nations, des peuples. Il n'y a rien d'anormal sur la planète. La fille est en famille, là. La fille est en famille. Le gars, là, il a fait un petit bébé, là. Là, il a pris, lui, il s'est sauvé. Il est allé travailler à Noranda. Puis elle est prise avec le paquet. À cause de ses émotions, là. Parce qu'elle l'aimait, le soir. Puis là, elle est obligée de demander la permission à quelqu'un si elle peut le garder ou non. Normal? Pas trop. La vie sur la Terre, c'est totalement astral. Ce qui se passe en haut, ça se passe ici. C'est rené d'en haut, ça. Un jour, il va falloir que le monde comprenne ça. Mais c'est pour ça. C'est normal qu'un être humain ne sache pas ce qui se passe? En lui-même? Ouais. Pas trop. Mais quand vous dites papa, qu'on passe le temps, il me semble qu'on a tellement d'affaires à faire en termes de justement de prise de conscience de soi pour éliminer toutes ces anomalies-là. Bon, ça nous amène à passer le temps comme du monde, après. Ouais. Mais de la façon que vous dites, que vous parlez, c'est-à-dire, ça semble pas important de regarder notre évolution. Notre évolution? C'est sans importance, notre évolution. Ce qui est important, c'est qu'on soit bien dans notre peau. Ça, c'est de l'évolution. Quand quelqu'un est bien dans sa peau, ça, c'est une personne instantanément, là, dans le moment, là, qui est évoluée. Nous autres, on veut des diplômes d'évolution, puis on veut des signatures d'évolution. On veut que quelqu'un dise, bon, vous êtes un être évolué. Pou, on vous donne un petit papier. Mais vous évoluez, vous? Je pense pas à ça. Vous pensez pas à ça? Non. Mais. S'intéresser à quelque chose, avoir un intérêt pour quelque chose, si tu passais le temps. Ben oui, ça fait partie du fun de passer le temps. Ça fait partie du fun de passer le temps. Si t'es pas intéressé à rien, t'as pas de fun. Puis les gens qui font des grandes recherches, là, ça reste toujours passer le temps. Tout le temps. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, mais tout est démentiel. Mais c'est ça, justement, la folie. On traite avec ça tout le temps de façon neutre. Moi. Nous autres. On maintient juste équilibré, là. Si on n'a pas gros de choc, on se tient. Ceux qui ont vécu des séparations, de divorces, là, après des années, là, tu sais, le choc que tu vis, là, je parle surtout pour les hommes, parce que les hommes vivent ça dur. Oui. Mais un gars qui se fait crisser là par une femme, laisse-moi dire que le pipi tombe. Le macho, là. J'en connais un à Saint-Adèle, moi, là, que sa femme a le sacré, là. Oh, qui a trouvé ça dur. Pendant 3 mois, il dit, j'ai jamais souffert comme ça dans ma vie. C'est tough. Il passe le temps. Ça fait partie de passer le temps. Mais il passe mal. Moi, au moins, quand j'ai rencontré ma femme, je m'étais organisé pour rencontrer une femme qui me divorcera pas. Ouais. Là-dessus? Chance qu'on sait que vous êtes pas macho. Je suis bien avec ma femme. Mais pourquoi est-ce qu'elle me divorcera pas? Parce que je m'arrange pour qu'elle me divorce pas. Comment tu veux dire? Comment vous faites passer le temps comme ça? m'intéresse. Ça fait partie de la conscience. Oui. Je m'occupe de ma femme. Je l'adore, ma femme. Il y a des hommes qui s'occupent de leurs femmes, puis ça, ça en occupe peut-être trop, je sais pas. Ça dépend de ta conscience. Moi, je m'occupe de ma femme. Je peux le dire en public, puis elle va vous le dire. Je m'occupe de ma femme. Elle s'occupe de vous? Automatiquement. C'est une échange. Fait que passer le temps intelligemment, c'est échanger avec quelqu'un. Tout le temps. C'est-tu la meilleure façon de passer le temps? C'est la seule. En as-tu d'autres? Ben, j'en ai pas cherché. Ah. Je viens de découvrir qu'on passait le temps. Ah. Tu le quand tu passes le temps comme du monde, mais tu souffres pas. Mais ça, c'est de la conscience. Fait que c'est les valeurs. Je m'en venais dans mon char un soir, puis je regardais ma femme, puis ça fait quand même 23-24 ans qu'on est ensemble. T'sais. On n'est pas des jeunes moineaux, là. Puis je dis à ma femme, c'est extraordinaire ton aura. Ta vie, t'es tellement belle. Puis moi, je dis ça tout le temps. Je suis toujours en pamoison face à ma femme. Pas en pamoison, comme l'homme inconscient est en pamoison, là. Mais sa vibration, je regarde sa vibration, la belle vibration. Bon, mais ça, ça fait partie de bien passer le temps. Mm-hmm. Mais c'est ça de la conscience. Parce que là, ta conscience t'amène à apprécier l'autre à d'autres niveaux plus subtils, de l'esprit. Mais vous savez des choses, mais vous ne semblez pas intéressé à ce que vous savez. Ça doit être plus facile de passer le temps quand on ne donne pas de la valeur à ce qu'on sait. Les gens qui ont de la difficulté à passer le temps intelligemment, c'est qu'ils donnent de la valeur à ce qu'ils savent. Ça rend leur vie sérieuse, ça rend leur vie lourde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce que vous savez, ça a de la valeur, mais il ne faut pas que ce soit de la valeur basée sur de la vérité. Si c'est basé sur de la vérité, ce que vous savez, c'est plus du savoir, c'est de la connaissance. Bon, ben, est-ce que c'est ça qui brise les échanges ou qui brise les associations? C'est ça qui brise les échanges, c'est ça qui crée des problèmes entre les personnalités. Fait que là, tu passes plus bien ton temps. C'est ça. C'est lourd, c'est... Ça devient lourd, c'est ça vieux, devient c'est grave. Ben oui. C'est ça. Ouais. Parce que deux êtres conscients savent quelque chose. Puis les vies légères. Il échange. C'est ça. Il échange. Oui, mais beaucoup de mes conférences sont basées sur des conversations que j'ai eues avec ma femme. Je dis, on met ça dans le computer, là, puis on en parlera à Daniel ou dans une conférence, on en parlera de ça. Mm. Parce qu'on parle tout le temps. Mais on ne fonctionne plus dans la vérité. On se brûlerait, nous autres, dans la vérité, des tapettes hawaïennes, comme on est. Mm. Moi, je suis tellement anti-vérité que. Ça n'est fondamental. D'ailleurs, ça fait partie de la conscience supramentale. Supramentale. Au-dessus du mental évolutif. Alors, est-ce que c'est possible qu'une personne qui joue trop avec la notion de vérité puisse ne jamais goûter à son infinité? Ah, ben, c'est évident. C'est évident parce que l'infinité de l'être fait partie de la conscience mentale de l'être qui fait partie du réel de sa conscience qui fait partie de son infinité, même quand il est dans la matière. Mm-hmm. Fait qu'un homme qui joue trop avec la vérité, il ne pourra jamais goûter à l'infinité de son être. Jamais. Parce qu'il se fixe. Puis comme il ne pourra pas goûter à l'infinité de son être, il va être obligé d'en créer un, d'en projeter un. Puis c'est de là qu'est venu le concept de Dieu. C'est pas évident pour un être humain de savoir que le concept de Dieu, celui qu'on a sur la planète Terre, c'est totalement. Ça fait partie du mensonge cosmique. C'est pas évident pour un homme qui pense. Faut que tu parles avec des plus hautes instances dans les plans pour savoir pourquoi ça existe ça sur la Terre. Le concept de Dieu, si on pousse dans ce sens-là, est-ce que c'était pour encadrer la pensée? Ah ben oui, ça faisait partie de l'évolution, ça faisait partie de donner à l'homme qui était très très inconscient un appui dans une infinité quelconque pour qu'il puisse supporter la vie jusqu'à temps qu'elle se supporte par lui-même. Est-ce que c'est l'ultime encadrement? C'est l'ultime mensonge. Mais c'est pas l'ultime encadrement. C'est l'ultime mensonge. Est-ce qu'un mensonge, c'est un encadrement? Non, un mensonge, c'est pas un encadrement. Le mensonge, c'est une loi. C'est une loi? C'est une loi cosmique appliquée à la conscience planétaire de l'homme. C'est une loi, ça fait partie des lois occultes de l'invisible. Est-ce que toutes les lois, c'est des mensonges? Toutes les lois sont des principes qui permettent à un mensonge de s'éterniser ou de ne pas s'éterniser, dépendant de la conscience de celui qui a vie. Autrement dit, pour expliquer, là, soit je m'en vais chez nous, soit je me couche, là, je change de plan. OK? Puis je rencontre du monde. Monde bien intelligent. Ils peuvent pas m'arriver avec des salades. Parce que je crois pas. Fait que si je rencontre quelqu'un de bien intelligent, simplement, bien évolué, simplement, il va être obligé de passer sa réalité à travers la mienne. Mm-hmm. Il va falloir que sa réalité soit filtrée à travers ma conscience. Puis si son statut universel est inférieur au mien, automatiquement, il va tomber sur ma vibration. Ça fait partie des lois de la hiérarchie. Ça fait partie des lois qui permettent à un être de conserver, ou une lumière, de conserver son statut universel. C'est de même que ça marche. Mm-hmm. Tandis que sur la Terre, ça ne marche pas comme ça, c'est l'inverse. Quelqu'un qui arrive sur le plan matériel avec une grande parole, une grande capacité oratoire, puis qui se sert de la croyance pour attirer vers lui des consciences, automatiquement, il leur coupe les pieds. Il leur enlève leur identité. Cet être-là est automatiquement astralisé. Puis il perd sa conscience lui-même. Il est en dehors de sa conscience. Mm-hmm. Est-ce que la personne qui est à l'origine, ou en tout cas qui canalise un mouvement de croyance vers l'extérieur, est-ce qu'il est en perte d'identité dans la même proportion que ses sujets? C'est une personne là, qui magnétise un environnement quelconque, et puis que les gens tombent dans la foi, là, la grande foi là, spirituelle qu'on connaît. Éventuellement, il va faire une gaffe, il va s'astraliser, puis les gens vont continuer leur chemin avec d'autres. Mais quand même... Risque, surtout si c'est occulte, là. Au niveau de l'Église, c'est pas un problème, parce que l'Église, elle a beaucoup d'âge, c'est établi. Il y a des énormalisés d'Église. Ce qui est parlé dans l'Église, c'est normalisé, c'est sanctionné par l'histoire. Mais quand tu tombes dans la spiritualité occulte, là, à ce moment-là, le bonhomme, il risque de faire un faux pas quelque part. Mais est-ce qu'il perd l'identité dans la même proportion que ses fidèles? Il peut perdre l'identité encore plus qu'eux autres, parce que c'est lui qui est le canal. Donc, c'est lui qui peut être possédé, puis c'est lui qui peut être amené à la folie. C'est lui qui peut être amené à l'autodestruction. Okay. Dans ce que les autres vont dire, bon, mais c'est de valeur, notre maître s'est suicidé. Nous autres, on s'en va ailleurs. Donc, celui qui est possédé est plus sujet à avoir de la difficulté à dépasser son contact astral. Oui, l'autre. Parce qu'il est plus connecté. Mm-hmm. On n'a pas les sciences qui nous éclairent. Une possession astrale, Bernard, moi, ce que j'aimerais qu'on étudie un petit peu, jusqu'où ça peut adhérer au mental humain? Je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à tuer, là, mais jusqu'où, pour l'être humain qui vit ça, là, je parle pas de son geste de tuer ou le niveau de folie qu'il y a, mais jusqu'où ça peut adhérer dans son mental? Là? Jusqu'où dans son corps, ses cellules, sa conscience? Ça peut aller jusqu'au niveau de la possession, même dans son corps matériel. L'entité peut rentrer dans son corps matériel, totalement confondre son identité, de sorte que le bonhomme, il devient cette entité-là. Rendu là, c'est l'entité qui a le beau jeu. Après ça, quand elle a fait son affaire à sortir, puis lui, il redevient normal. C'est pour ça, souvent, vous entendez parler des gens qui créent des meurtres, là, abominables, là, puis ils n'ont pas de mémoire. Ils n'ont pas de mémoire de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le meurtre, là, puis après ça, bien là, ils n'ont pas de mémoire. Le type aux États-Unis, là, Brennan, je ne sais pas comment il s'appelle, là, il n'a pas de mémoire. Fait que l'entité le possède, puis il y a une coupure complète de sa mémoire, puis le gars, il n'a pas de mémoire. Pis ça existe depuis des siècles. Mm. Les Haïtiens là, qui font du vaudou, là. Ouais, c'est ça. Tout le vaudou en Amérique du Sud, là. Ils tombent dans le tas de transe. Ils perdent de mort. Mais ça veut dire que l'identité, on en a une quand on vient au monde. Non. Quand vous venez au monde, vous avez un centre de conscience mentale qui est très, très petit, qui se situe dans votre front. Puis aussitôt que vous grandissez, là, d'abord, quand vous venez au monde, vous êtes en contact avec des entités spirituelles. Tu n'es pas en contact avec ton double quand tu viens au monde. Tu es en contact avec des entités spirituelles qui sont à ton niveau, là. Puis eux autres te permettent de grandir pendant un certain nombre d'années, puis sortir. Après 3 ans, sortir. Puis rendu à 7 ans, mais c'est ton centre mental, il se connecte techniquement avec ta source. Mais déjà, rendu à ce point-là, tu as tellement d'influence au niveau de ta famille, ta culture, qu'éventuellement, c'est très peu de temps que le contact se brise. Puis éventuellement, mais tu vas avoir des gros auras, là. Puis être conscient, c'est être en opposition. Moi, ma conscience, là, c'est une capacité d'être en opposition avec les plans. Fait que si je fais de la médiumnité ou de l'exorcisme avec des gens au niveau de l'astral, ma conscience est en opposition instantanée avec les entités. Instantanée. Fait que moi, automatiquement, je me laisserai jamais avoir à les croire. Mais je vais les amener à se confronter à ma lumière. Fait que je suis toujours en opposition. Puis au niveau cosmique, c'est la même chose. Au niveau du double, c'est la même chose. Je suis toujours en opposition avec ma source. Sans ça, je serais englobé. Mm-hmm. Je serais magnétisé. J'aurais plus d'identité. C'est que je ferais un zombie. Mm-hmm. Fait que... Vous êtes en opposition même si vous savez que c'est intelligent. C'est pas avec le fait que tu saches que c'est intelligent que tu es en opposition. Tu es en opposition avec le fait même de la présence. Ouais, OK, je comprends. C'est comme une sorte de résistance à un envahissement. Ça. C'est une résistance à un envahissement, puis c'est pour ça que quand tu es bien conscient, ou que tu as une conscience mentale réellement développée, t'as pas un once de spiritualité dans ton corps. Mm-hmm. À notre niveau, là, est-ce qu'on peut dire qu'on peut vivre ça par rapport à des êtres humains? Le fait de sentir qu'on veut pas être envahi par l'impression que l'autre nous projette, ou par rapport à sa parole, ou par rapport à sa dynamique d'action, le fait de ne pas vouloir être sous le bombardement magnétique de son personnage, c'est-tu un petit peu de pratique là pour développer une conscience des plans? Pratique, c'est pas le bon mot, là, mais... C'est-tu une amorce pour être conscient de quelque chose qui veut nous, bon, okay, nous magnétiser? Pour répondre à votre question, là, si vous n'êtes pas capable d'être en opposition créative, je parle. Ouais. Tu peux pas être en opposition pour être en opposition. Ouais, je comprends. Mais si l'homme n'est pas capable d'être en opposition avec l'homme, autrement dit, c'est pas avec l'homme lui-même, c'est son astralité. Oui, c'est ça. Si l'homme n'est pas capable d'être en opposition avec l'astralité de l'homme, comment voulez-vous que l'homme soit en opposition avec sa propre astralité? Mm-hmm. Si tu ne vois pas à travers l'astralité d'une personne, tu ne verras jamais à travers la tienne. Puis comment qu'on peut, parce que vous avez déjà parlé dans une conférence de triage des pensées. Il y a des pensées qu'on sait intelligentes et puis qu'on convient bien, puis il y a d'autres pensées où on sent que justement il y a un facteur astral qui rentre en ligne de compte. Mais ça peut être dans 10 minutes de conversation, là, ça passe dans une fraction de seconde d'un état intelligent à un état qui est vraiment astralisé. Et puis c'est rapide, là, c'est vraiment rapide, là. On dirait que l'entité se manifeste tout d'un coup, là, puis pouf, ça se cache, puis ça redevient intelligent. On vient de s'en faire passer une petite vite, là. Mais cette résistance-là qu'on développe, ou cette capacité d'opposition à la pensée, c'est-tu aussi une capacité de perception de ce qui est intelligent puis de ce qui est astral? Parce qu'il faut le mental rapide pour discerner dans une même conversation à quelqu'un qui nous parle ce qui est astral. Puis ce qui est... Si je le pousse au bout, là, quand tu es conscient par rapport à un être humain qui est plus ou moins astralisé, tu n'es jamais envahi par sa conscience. Jamais envahi par sa conscience. Tu ne peux pas te permettre d'être envahi par sa conscience. Fait que c'est de l'échange. Si tu te laisses envahir par sa conscience, tu perds l'identité. Comment on peut avoir de l'échange et ne pas vivre un petit peu d'envahissement? Ah, ça c'est de la centricité. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Échanger, c'est quand même recevoir quelque chose de l'autre. C'est approuver ce qu'il affirme, ce qu'il dit. Ouais, mais tu peux pas faire envahir pareil. Ouais. Parce que moi, il y a des aides dans ma vie. Je vous donne un exemple. Hier, on a eu une conversation concernant le chandail qui était acheté dans le magasin. Oui, OK. Puis tout le théâtre, là. Bon, votre façon de m'expliquer ça. Mm-hmm. Je l'ai écouté, mais je peux pas le. Je peux pas le. L'endosser. Je peux pas l'endosser. Ouais, je comprends. Je peux pas l'endosser. Mais je suis capable de l'écouter. Fait que je me laisse pas envahir par la façon de le faire. Ouais. Puis ça bloque pas l'échange. Puis ça bloque pas l'échange. Ouais, ok, je comprends. Fait que échanger, c'est pas prendre tout de l'autre. Non, échanger, c'est échanger, c'est échanger. Sans être envahi. Parce que si tu fais pas ça, ben à ce moment-là, c'est comme si tu réduirais toujours ta conscience à un dénominateur commun. Puis tu peux pas faire ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que la chance que je rencontre un homme sur la planète qui est aussi conscient que moi est très petite. Donc, je m'isolerais. J'aurais plus de vie. Fait que tu peux pas vivre ta conscience par rapport comme dénominateur commun. Mais il faut que tu puisses, dans ta conscience, communément avec d'autres individus, échanger. Puis ce qui est échangeable, valable, tu le gardes. Ce qui est pas valable, tu t'en occupes pas. Puis ça, c'est toujours à la mesure de vous-même. Puis ça, c'est toujours à la mesure de ta propre sensibilité, de ta propre conscience. OK. Si une personne s'affirme à vous comme étant... disons, supérieur dans un certain état de vie quelconque. OK? Il s'affiche ou il s'affirme comme ça. Que vous recevez l'impression et puis que vous devez changer ou que la situation se présente à un échange, mais que vous ne vous laissez pas envahir. Est-ce que l'action est possible avec un être comme ça qui veut une certaine ascendance sur vous? Parce que souvent dans notre vie, entre guillemets, astrale avec les gens cherchent toujours à hiérarchiser leurs relations avec les autres. Donc, à établir une ascendance en termes d'une valeur professionnelle, sociale, financière, émotionnelle, etc. Et puis, on cherche à créer un échange avec l'individu. On veut bien lui reconnaître une intelligence. Mais c'est que si on lui reconnaît une quelconque forme d'intelligence, avec ce qu'on lui a reconnu, il cherche à créer un envahissement dans notre espace mental. C'est instinctif chez n'importe quel individu qu'on donne un crédit. C'est, je ne sais pas si c'est animal, mais je sais que c'est ça. Bon, ça, c'est parce qu'il n'y a pas de conscience. C'est de la réflexion, c'est de l'égocentricité, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Un homme conscient ne peut pas agir comme ça. Donc, on ne peut pas connaître l'intelligence d'un autre. On peut vibrer à l'intelligence d'un autre. On peut avoir du plaisir de l'intelligence d'un autre. Moi, j'ai bien du fun avec votre intelligence. Je vibre à votre intelligence. J'ai du plaisir de votre intelligence. Je ne cherche pas d'ascendance sur vous non plus. Si vous cherchiez de l'ascendance sur ma personne, ce sera de l'inconscience. Bon, fait qu'il y aurait de l'orgueil, il y aurait de l'insécurité. Mais un petit verre plein, c'est aussi grand qu'un grand verre plein. Bon, je vais reposer ma question différemment. À cause de la nature de mon travail, je suis confronté, moi, à mettre en relief l'intelligence dans l'individu, puis à décortiquer ses caractéristiques astrales. C'est-à-dire que j'essaie de faire mettre en focus son côté intelligent, puis à strictement identifier les aspects qui sont astraux dans l'être pour qu'il puisse les identifier lui-même et puis les éliminer. Par contre, j'ai remarqué que lorsqu'on met en relief l'intelligence d'une personne, souvent, le côté astral de l'être va récupérer ce qu'on lui a reconnu pour se donner une autorité. Bon, c'est un test à ce moment-là. Un test pour l'individu? Oui. Ouais, parce que quand si vous mettez en relief, moi, souvent je le fais, moi, des fois je vais dire à quelqu'un, on va dire, ouais, c'est bien intéressant ce que tu fais. C'est bien, bien. Là, ils partent en ballon, là. Parce qu'ils partent en ballon, là, puis ils viennent me revoir deux, trois semaines plus tard, là. Puis, ils se sont fait prendre. Par quoi? Ils se sont fait prendre par le fait que j'ai dit que c'était bien intéressant. OK. Ils ont cru. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils ont de l'expérience à vivre. Ouais. De l'expérience à vivre. Un être qui a une certaine conscience n'a pas besoin d'être supporté par un autre. Ah, ça c'est le point. Un être qui a une conscience, t'as pas besoin de... D'ailleurs, c'est ça. Quand t'as une conscience, t'as pas besoin d'être supporté par un autre. Si t'as besoin d'être supporté par un autre, t'es fait. Donc, si tu tombes avec un cas comme moi, mais t'es fait. Ouais. Parce que tu deviens triqué quand tu es conscient. Tu es voué les courants astraux. Est-ce que être supporté par un autre, c'est une marque d'impuissance ou de manque d'identité? Être supporté par un autre, c'est un manque de centricité. Un jour, tu peux pas être supporté par un autre. Il faut que tu sois dans ta propre énergie. Ça rend difficile. Si ma femme, moi, était pas dans sa conscience à elle, elle serait tout tellement magnétisée, tout tellement dominée par mon énergie. C'est vrai. Fait que, on est chacun dans notre slot. Mais moi, ce que j'ai remarqué de votre femme, c'est qu'elle a une grande puissance d'affirmation. Ouais, mais ça fait partie de sa centricité. Mais est-ce qu'un être qui est centrique a une puissance d'affirmation qui est toujours aussi percutante? La conscience, quand ça s'affirme, ça s'affirme. Ça joue pas avec le POC, la conscience. Non, ça, je suis au courant. L'inconscience, ça joue avec le POC. Ouais. Mais pas la conscience. Les êtres conscients, on remarque une chose, sont précis. Précis. Une grande précision. Ouais. Ça joue pas avec le POC, la conscience. C'est-tu une médiumnité qui vient avec la conscience? Ça fait partie de ça. Qui lui donne finalement la précision. Ouais, c'est ça. La médiumnité qui lui donne la précision. C'est ce que vous disposez. Ça fait partie de la conscience. Puis quand vous échangez avec un être que les deux se savent, et ça reste toujours que j'ai toujours l'impression que quand on échange, on apporte quelque chose à l'autre. Tandis que la façon que vous parlez de l'échange, on n'a pas l'air à rien s'apporter. On fait juste se constater quelque chose. La façon que vous parlez de l'échange pour deux êtres conscients, parce que finalement, ils se supportent pas, ils se soutiennent pas, ils sont ensemble, puis... De la façon même vous parlez de conscience, on peut dire... Psychiquement, sont ça. Ouais. Matériellement, socialement, familialement, ils se supportent. Mais psychiquement, ils sont dans leur identité. Fait que quand on est conscient, c'est inévitable, on est seul quand on est psychique, là, dans le sens d'une conscience psychique, là. On est inévitablement seul. On vit une grande solitude. Tu vis ta conscience. Tu peux pas vivre ta conscience par rapport à celle de l'autre. C'est ça. Ça cherche pas à s'informer dans l'autre de qui on est. C'est ça. Non. Ça se sait. Ça se sait. Ouais. C'est. Ça se sert de l'autre pour s'affirmer. Ça se sert de l'autre pour... ça se sert de l'autre pour configurer son mouvement créatif. Configurer dans quel sens? Dans le sens que le rendre concret, le rendre matériel? Bon, le descendre. Le descendre. Bon. Okay, finalement, on a besoin des autres strictement pour descendre ça. Bon. Dans le plan matériel. Bon. Pour passer le plan. Mais où? Bon. Mais au niveau individu, là, tu vis ta conscience intégralement tout seul. OK. Il n'y a vraiment pas de place au doute, hein? Mais c'est l'élimination du doute qui a amené ça. Oui. Puis l'élimination du doute, c'est la transmutation des corps subtils. L'élimination du doute, c'est pas l'enlèvement des paramètres psychologiques. C'est les corps subtils qui sont brûlés dans leur vibration astrale. Moi, j'écoute ça, Bernard, puis je me dis, c'est inévitable dans un être humain, pour entrer dans son identité, de devoir se couper de ceux qui l'ont supporté. Parce que ceux qui l'ont supporté dans sa vie planétaire, sont finalement comme une expérience qui reste dans son mental comme une notion de relation de donnant, donneur, et puis on peut pas savoir si on est avec quelqu'un qu'on entretient un échange à caractère planétaire, là. J'ai l'impression que tout le monde doit passer par une grande solitude. Vous, dans votre fusion, vous avez dû connaître une très grande solitude, indépendamment de la présence de votre femme ou de quiconque autour de vous. Est-ce que ça peut se confirmer, ça? Est-ce que vous pouvez, parce que vous l'avez vécu, est-ce que vous pouvez dire que vous avez connu une grande solitude qui vous a isolé, finalement, même des gens qui étaient proches de vous? Sur le plan psychique, t'es toujours seul. Du début jusqu'à la fin. Oui. Mais pour vous, dans votre plan social, mais tu t'arranges avec... Tu rencontres des gens qui ont une certaine vibration, puis tu peux fonctionner sur le plan social avec. Mais toujours avec une grande solitude. Ta tête, c'est toujours ta tête. Avec un état de grande solitude. Tout le temps. OK. Mais vous, c'est une fusion instantanée. L'individu qui est en fusion progressive, là, tu sais, que ça va y prendre 40 ans ou deux vies, là, Est-ce qu'il va vers cette grande solitude? Est-ce qu'en quelque part dans sa vie, matériellement, il est plongé ou il est invité à vivre une grande solitude en quelque part? Même matériellement, socialement. Oui. Et est-ce que c'est inévitable d'être pris à se séparer des gens qui te donnent l'impression d'être psychologiquement des supports? Éventuellement, si les individus... Quand tu as une certaine conscience, les individus qui étaient dans ton environnement, éventuellement, ils n'ont plus le taux vibratoire pour pouvoir continuer avec toi. Là, à ce moment-là, là, il y a une séparation. Parce que vous étiez un support psychologique pour eux autres. Bon, peut-être parce que tu étais un support psychologique, puis peut-être aussi parce que ça faisait partie de leur relation avec toi sur le plan karmique. Mm-hmm. Il y a toujours des raisons. Mais éventuellement, pour que ces individus-là puissent progresser, il faut que tu les lâches. Parce que si tu les lâches, ils pourront pas, si tu les lâches pas, ils ne pourront pas progresser. Ils vont trop être magnétisés. OK. Donc, ta conscience, un jour, va faire en sorte qu'elle va voir des choses chez l'autre qu'elle ne laissera plus passer. Mm-hmm. Avant, elle laissait passer, ça les gardait avec toi. Mm-hmm. Là, elle ne les laisse plus passer. Ils sont obligés d'aller dans leur chemin. C'est ça. Mais ces êtres-là, pour toucher à leur identité, doivent vivre à ce moment-là ces formes de coupures-là. Ouais. Même avec des êtres qu'ils peuvent considérer intelligents ou valables dans leur vie. Ouais. On pense aux couples, on pense aux relations avec les enfants, on pense aux relations avec les amis, c'est la même chose. Ouais. Mais c'est au niveau de la tête. Ouais, ouais. Les relations, c'est au niveau de la tête. Tu veux pas dire que si tu les rencontres dans la rue, tu leur diras pas bonjour. Ouais. Mais c'est au niveau de ta tête. Justement, au niveau de ta tête, faut que ça se sépare quelque part. Sans ça, ils pourront pas évoluer. Puis plus ton énergie est forte, plus tu as tendance à les magnétiser. Fait que la vie t'amène ensemble pour toutes sortes de raisons, puis un jour, la vie te sépare pour toutes sortes de raisons. Mm-hmm. Le centre de gravité chez un être humain, est-ce qu'il se développe plus dans son expérience planétaire ou s'il se développe plus dans sa conscience des plans? Dans son expérience planétaire. Le centre de gravité se développe par rapport à la conscience planétaire. OK. Puis l'identité se développe par rapport à la conscience des plans. L'identité, c'est la conséquence de ça. C'est la conséquence. Oui. Okay. Ouais. Parce qu'au niveau de la conscience planétaire, ça crée les chocs qu'on a de besoin pour grandir. Le résultat, bien, c'est une certaine conscience mentale plus élevée. Donc, en soi, si une personne veut mesurer son... Pas mesurer, mais disons sentir son développement, t'en as qui passent le temps... C'est de travailler à son centre de gravité, l'identité va être conséquentielle. Ouais. Ouais. Mais c'est une grande libération. Faut faire attention avec l'affaire de mesurer son identité, de mesurer sa conscience. Puis, quand tu es bien dans ta peau, tu es conscient. Mais tu ne pourras pas être bien dans ta peau longtemps. Tu peux peut-être être bien dans ta peau 10 minutes. Puis un jour, il faut que tu en arrives à être bien dans ta peau tout le temps. C'est là que ça se fait l'affaire. Mais un homme qui est bien dans sa peau, tu ne peux rien y enlever. Tu ne peux rien enlever. Ça ne se questionne pas, ça. Bien dans ma peau, bien dans ma peau. Avec le temps, mais il va être plus longtemps comme ça, bien dans ta peau. Fait que s'il est capable d'être bien dans sa peau tout le temps, ça veut dire qu'il est conscient. Une question, Bernard. Comment ça se fait que, en tout cas, moi je le vis comme ça souvent avec des amis, quand on est plusieurs personnes qui parlent dans certains registres, avec un vocabulaire et un langage qui découle finalement de l'instruction. Comment ça se fait que c'est très facile d'être bien dans ces situations-là? On passe 4 heures, 6 heures, puis ça part. Parce que quand vous parlez ensemble, vous plongez dans la certitude collective occulte de votre conscience mentale. Autrement dit, là, quand 6-7 personnes, là, c'est déjà occulte. Quand tu as 6-7 personnes qui sont capables de converser dans un médium qui est occulte, t'es plus fou tout seul. Quand t'es fou à 10, t'es plus fou. T'es peut-être weird un petit peu, mais t'es plus fou. Mm-hmm. Si t'es sain, hey, sain. Fait que ça fait en sorte que l'individu se complaît dans une sorte d'élitisme, de particularisme, de convention nouvelle. Puis ça y crée une sécurité par rapport à lui-même, parce que ça y permet de découvrir des aspects qui ne sont pas expliqués institutionnellement, Ça lui permet d'approfondir des aspects qui ne sont pas expliqués institutionnellement. Fait que ça crée une sécurité temporaire. Mm-hmm. Mais c'est une sécurité temporaire. Mais il est bien dans cette période-là. Ah, il est bien, puis il peut s'endormir là-dedans. Oui, mais quand on parle de bien, c'est parce que là, vous disiez, ce qui est le plus important, c'est d'être bien. Donc, si on est bien, on vit de la conscience. Tant que tu es là, de gars avec moi, faut pas que tu oublies, en même temps, tu vas travailler. Oh, oui. Tu vas sortir de ce petit conclave-là, dans l'heure, là. Oh, oui. Fait que ce que vous avez parlé dans le conclave, là, demain, tu vas aller travailler dans l'industrie, puis, tu sais. Mais c'est pas une illusion pareille. On vit une vibration de conscience. C'est ça. On vit une vibration de conscience. Seulement, faut que, éventuellement, cette vibration de conscience-là, qui est collective, vous n'ayez plus besoin. Parce que là, ça peut devenir une drogue. Oui, oui, je comprends. Fait que là, bon, on va se rencontrer à soir, parce que si on se rencontre pas, sacrément, ça va être tough pas à ornir, tu sais. Fait que là, ça devient un petit peu une drogue. Mm-hmm. Fait que le gars, c'est comme si, il est willing, il va aller travailler, là, pour encore rentrer dans la grosse inconscience sociale, là. Mais il sait que le soir, ils vont se faire un petit coup de téléphone, puis ils vont se rencontrer, parler de leurs affaires. Mm-hmm. Mais un jour, il faut que ça aille plus loin que ça. C'est quoi le plus loin que ça? Le plus loin que ça, ça veut dire qu'un jour, mais c'est un jour, la conscience de deux individus dans ce groupe-là va s'élever au-dessus de la conscience des autres, puis un jour, il va voir que il y a bien du mémérage là-dedans. On se gargarise. On est tout fin. On est fin. Ça, mais on se gargarise. Puis, il peut avoir même beaucoup de spiritualité. Mais tu regardes ta vie, là, puis tu t'aperçois que avant, tu passais 5-10 minutes dans ces petites conventions-là. Là, t'en passes 1 heure, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Là, il est rendu 5 heures du matin, t'es encore après à parler avec tes chums, faut que t'ailles travailler, ta femme est couchée, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Là, tu risques de mettre ton mariage à terre parce que tu rencontres tes chums pour parler occultement. Mm-hmm. Fait que là, tu vas commencer à sentir des tensions. C'est pour ça que je dis, faut que ça aille plus loin. L'ordre, faut que ça descende jusqu'à la matière, dans la vie de tous les jours. Parce que l'homme ne pourra pas indéfiniment vivre sa conscience créatrice, supramentale, de façon collective, à tous les azimuts. Ça revient à toucher la fameuse solitude dont vous parliez. Ouais. Parce qu'il vient un point, il va venir un point, en tout cas, où l'homme dans sa... Parce que quand une conscience créatrice, c'est très vaste. Puis il va venir un point que l'homme va avoir été brûlé dans son acheminement. Mm-hmm. La conscience, sa propre lumière va l'avoir brûlé. Parce que la raison que vous parlez bien gros, là, c'est parce que vous n'êtes pas brûlé encore. Là, vous venez de vous découvrir, Mais un jour, quand l'homme va s'être réellement découvert, il n'y aura plus besoin de ça. C'est un genre, c'est une sorte de foyer, ça. L'homme n'aura plus besoin de ça. C'est votre conscience personnelle qui va vous avoir brûlé. Est-ce que ça peut être un substitut à la famille? C'est un substitut à la famille, ouais. C'est un substitut à la famille. Oui. Mais c'est pas nécessaire pour ce qui est. C'est un substitut à la famille, mais c'est un substitut temporaire à la famille, mais ça ne doit pas être un substitut final à la famille. Mm-hmm. Un jour, l'homme va être obligé de passer de cette famille collective-là puis revenir dans sa famille biologique. Mm-hmm. Avec sa conscience. Avec sa conscience. Sa vraie famille, là, vous parlez de la famille. Sa vraie famille biologique, oui. Avec cette nouvelle conscience-là, revenir dans. Oui. Ouais. Ouais. J'ai l'ouvrage, moi, là. L'homme va être obligé de revenir à sa famille. Quand je parle de sa famille biologique, là, je veux dire, avec les êtres biologiques qui sont proches de lui. Parce qu'il va venir un point où l'homme va être fatigué de la conscience. C'est parce que vous n'êtes pas fatigué de la conscience, là, que vous êtes capable de vous rencontrer, puis parler, puis... Mais quand l'homme est brûlé, là, parce qu'il vient un point que t'es brûlé, t'en auras le bol d'être conscient, t'sais. Ces valeurs-là, ça n'existe plus. Là, ton chien, ton chat, ta femme, moi, je ne serais plus capable aujourd'hui d'être en relation là, pendant des heures avec des gens comme je l'étais pendant des années. Mais vous avez quand même fait plusieurs années. Oui, mais c'est parce que ça faisait partie de mon travail, tu sais. Ouais. Mais. Puis pour certaines personnes, ça fait partie de leur progression. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas temporaire, style 3 mois, là. Ça peut durer 4-5 ans. Ça peut durer longtemps. Ouais. Ouais. Ça dépend du plan de vie de chacun. Question? Ça vous donne quoi venir ici, ça? Passe le temps. Hein? Passer le temps? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Pardon? Oui. Une question intéressante. La fusion vous donne une clairvoyance particulière dans ce sens que elle vous donne une très, très haute voyance de vous-même. Puis, si vous avez besoin de clairvoyance pour les autres, c'est toujours conditionnel à ce que le plan mental va vous passer. Autrement dit, un être qui est en fusion, il peut pas faire ce qu'il veut avec sa voyance. Je vous donne un exemple, là. Puisque j'ai le contact que j'ai, il est toujours là. Supposons que je regarderais quelqu'un dans la salle, puis ça me dirait, bon ben, lui, il va avoir un accident dans 3 mois. Mais je pourrais pas aller le voir et dire, bon ben, tu vas avoir un accident dans 3 mois. Ma conscience me permettra pas ça. Donc, la voyance d'un être qui est en fusion, c'est pour lui faire voir sa vie à lui d'abord. Comprendre, dépendant de son statut universel, là, puis ce qu'il y a à faire, là, ça, c'est pour lui faire comprendre ses propres profondeurs. Fait que la voyance de la fusion, c'est pour faire réellement comprendre tes propres profondeurs. La profondeur des autres, la vie des autres, ça peut être utilisé de temps en autre, cette voyance-là, pour les aider. Mais dans le cas de la fusion, c'est utilisé à un minimum. Parce qu'au niveau de la fusion, t'es trop conscient de l'importance de l'aide de vivre son expérience. Parce que quand tu vis de la voyance inconsciente, autrement dit, qui fait partie de ton contrat astral, tu n'as pas cette notion-là. Tu veux rendre l'aide conscient de choses auxquelles il n'y a pas accès. Tandis que quand tu es conscient, tu n'es pas intéressé à rendre l'être conscient de choses auxquelles il n'y a pas accès. Tu es simplement intéressé à l'amener à une plus haute conscience. Fait que tu n'agis pas pareil, la voyance. Pardon? Oui. Dans mon cas, moi, non, j'ai pas d'écran mental. Ma fusion m'a totalement enlevé les facultés psychiques normales de l'homme. C'est d'autres facultés que j'ai. J'utilise pas mon corps astral. J'utilise seulement mon corps mental. Si j'utilisais mon corps astral, probablement que je me brûlerais. Je passerais mon temps à vous regarder, puis je verrais vos auras. Je verrais vos maladies. Fait que j'aurais pas de protection. Tandis que là, quand je vous regarde, si vous êtes malade, je vais recevoir l'information que vous êtes malade, mais j'utiliserai pas mon propre corps astral pour investiguer le vôtre. C'est comme, je suis moins psychique que vous autres. Comprenez-vous? Je suis moins psychique que vous autres. Par contre, je sais ce qui se passe au niveau psychique, au niveau occulte. Il y avait un voyant qui était venu chez nous il y a bien plusieurs années. Puis je disais toujours à ma femme, en dessous de la fenêtre, là, il y a quelqu'un qui protège la maison. Puis le type est venu dans ma maison, puis il s'est assis sur ma chaise, puis aussitôt que la chaise était en direction de la, de la fameuse lampe. Puis aussitôt que c'est assis dans la chaise, il dit, hey Bernard, il dit, il y a quelqu'un en dessous de la lampe. J'ai dit, ben oui, je le sais. Mais moi, j'ai pas de temps à perdre à voir du monde en dessous de ma lampe. Donc, les facultés psychiques médiumniques que l'homme a, moi, je les ai pas. C'est pour ça que je dis, je suis probablement moins psychique que vous autres. Mais j'ai un autre psychisme. Fait que si je dis, il y a une entité là-bas, puis il y en a une là, puis il y en a une là, ils sont là. Maintenant, si vous autres, vous êtes voyants, mais vous les verrez.